Alors, ouais. Bonjour tout le monde, bienvenue à La Voix des Guerriers. On a un invité avec nous qui s'appelle Guillaume de Lorenzi, un athlète qui s'est entraîné à Québec. Et là, je crois savoir qu'il a quitté la belle ville de Québec pour Montréal et entre autres le Tristar. Guillaume, est-ce que c'est un peu ça qui s'est passé dans les derniers mois pour toi? Oui, effectivement. Les derniers mois, beaucoup de changements dans mon style de vie puis dans mes entraînements, là. Et puis mes entourages, évidemment, oui. Donc, j'ai changé du tout au tout, comme on dit, là. Ça fait combien de temps que t'as emménagé à Montréal, Guillaume? Ça fait 3 semaines, en fait, c'est ma 4e semaine, donc 1 mois déjà de compléter. Donc, à l'entraînement avec l'équipe professionnelle, justement, du Tristar, donc sous l'équipe de Firas Zahabi. Donc, je me promène un peu partout avec les gars, donc autant avec la lutte pour l'équipe canadienne olympique de lutte. Donc, je m'entraîne avec eux autres, on s'en va, on suit un petit peu le cours de la semaine avec l'entraînement avec au club de boxe des frères Grant. J'ai mon conditioning avec les gars professionnels toujours, avec Jonathan Chambers. Et puis, de l'entraînement aussi, évidemment, au Tristar en sparring avec tous les gars professionnels de là-bas. Et puis, la fin de semaine, ben, de retour à Québec pour le travail. Puis, on recommence la semaine d'après pour l'entraînement du lundi au vendredi à Montréal. Est-ce que ça a été difficile pour toi de te faire accepter de Tristar? Parce que je pense que tu as déjà eu peut-être un malentendu avec cette équipe-là. Est-ce que je me trompe? Ben c'est surtout c'est ça, on peut appeler ça un malentendu, ouais, effectivement. Parce que j'ai déjà affronté une personne du club dans le temps, et puis bon, ben, il y a certaines choses qui ont fait que ça a créé des frictions. Mais toutes les cartes ont été mises sur table, donc tout le monde a ouvert leur livre et puis on a mis tout à jour, on s'est bien expliqué. Et puis je pense que c'est ça, on en est convenu que c'était vraiment un malentendu. Et puis l'équipe est vraiment super. Ce qui me faisait peur là, d'aller à Montréal, c'était de quitter mon équipe que j'avais à Québec. Les gars avec qui j'étais habitué de m'entraîner, on avait une belle cohésion de groupe. T'sais, c'est une fun d'entraide. Quand on travaille tout le monde ensemble, tout le monde s'aide. Chacun pour soi, puis tout le monde, tous pour un pour tous, là, oui. Comme on dit. C'était vraiment cette dynamique-là que je voulais pas perdre. Là. Et puis quand je suis arrivé à Montréal, là, dès les premiers jours, là, c'était cohésion tout de suite. Les gars là, ont mis de l'énergie sur moi. C'est le cas de le dire aussi, c'était mon initiation. Fait que mais les gars sont vraiment sympathiques. Et puis je pense qu'ils ont confiance en moi. Puis j'ai mis beaucoup ma confiance en eux autres aussi. Puis plus moi j'avance, plus eux vont avancer. Puis plus eux avancent, plus moi je vais performer. Donc je pense qu'on a la même optique, on voit les choses de la même manière. Donc j'ai pas perdu là, au change là, dans tout ça. Là. Donc je suis vraiment content. Et puis pour revenir avec le malentendu, ben c'est ça. Ça l'a passé. Et puis on ouvre une nouvelle histoire et puis on commence des nouvelles pages avec eux autres. Guillaume, t'as mentionné le nom de Jonathan Chambers, puis on a parlé avec hier, et on a parlé aussi avec Jérôme Le Banner qui a dit juste des bonnes choses à propos de Jonathan. Est-ce que toi aussi, qui es un bon athlète à regarder, si on regarde ton physique, t'as de l'air fait fort, est-ce que Jonathan Chambers a amené quelque chose de plus aussi? C'est certain, c'est quelque chose de plus. Beaucoup de nouveaux muscles. Des fois, on fait des nouveaux programmes de musculation, puis on dit, Colin, bon, je me suis découvert des nouveaux muscles. Ben, c'est ça. Moi, c'est la même chose. Mon corps s'habitue à ces entraînements-là qui sont très diversifiés puis complets. Donc, je découvre des nouvelles choses aussi, des nouvelles façons de travailler, c'est surtout ça. Et puis, c'est poussé au niveau des combats. Donc, c'est vraiment axé sur nous autres. Il met vraiment son énergie sur nous autres. Particulier au combat ultime là. Donc c'est vraiment intéressant là, de travailler avec lui. Puis ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que il met beaucoup de lui-même là-dedans. Donc lui, il est là à temps plein. Je suis un petit nouveau, je viens d'arriver, puis tout de suite il s'occupe de moi, puis il prend soin de moi comme il prend soin des autres gars. C'est vraiment génial là. Moi je suis pas peux pas me plaindre de rien, là. Et tu mentionnais que tu voyages encore Québec-Montréal. Est-ce que tu planifies t'installer ici à temps plein ou c'est toujours un voyage que tu vas faire? Je ne sais pas trop, je veux te dire, c'est... La ville de Québec est difficile à quitter, hein, Guillaume, c'est une belle ville. Ben, ça fait longtemps que je suis là, j'ai mes amis, mon père est là aussi, et puis là, je dois toujours travailler quand même un petit peu en même temps que je m'entraîne. Oui, c'est dur, mes émotions sont beaucoup à Québec, mes sentiments sont à Québec, et puis... Montréal, c'est ma ville de travail, là, si je peux dire. Là, si je pouvais séparer ça comme ça, là, c'est ce que je dirais. Le Québec, c'est émotionnel. Montréal, c'est le travail. Est-ce qu'à un moment donné, il va avoir une cohésion, un mix de tout ça? Ben, j'espère bien. Mais seul l'avenir nous le dira. Guillaume, t'as une belle fiche quand même. 7 victoires, 1 défaite. T'as entamé ta carrière professionnelle en 2008 seulement. En 2009, bon, c'est parti sur 1 défaite, mais sur le combat contre Joey Coppenhaver, tu l'avais bien entamé. Par la suite, bon, la différence de poids, je pense, a pesé lourd dans la balance. Cette défaite-là, est-ce que ça a été dur pour toi, moralement, physiquement et mentalement? J'avais jamais envisagé une défaite à un moment donné. Je savais que ça allait sûrement arriver parce que, bon, on me disait toujours, tu pourras pas avoir une fiche parfaite. Et puis, c'est important de toujours garder dans ton entraînement l'optique de gagner. Mais c'est toujours quelque chose qui peut arriver. Mais je m'étais jamais imaginé comment je pouvais réagir face à tout ça. Mais oui, ça m'a affecté. Surtout du fait que j'ai eu une blessure suite à ça. Je pense que sans une blessure, je pense que ça aurait été la pilule aurait passé plus facilement parce qu'à ce moment-là, tu peux retourner tout de suite à l'entraînement et puis aller un peu compenser avec d'autres combats pour justement digérer cette défaite-là. Mais j'ai été arrêté un bon bout de temps pour récupérer ma blessure et puis ça l'a travaillé beaucoup mentalement. Puis c'est difficile, mais je pense que c'est ça qui a été le plus difficile. Plus que la défaite, ça a été la blessure. Là. Donc le temps que j'ai été arrêté, là, c'est ça qui a été le plus difficile à prendre. Et sans vouloir peut-être avoir une excuse, est-ce que le changement d'adversaire, est-ce que tu as eu assez de temps? Parce que Phil Baroni et War Machine, moi je vais l'appeler avec son nouveau vrai nom. C'est pas tout à fait le même style d'adversaire non plus. Baroni, ça aurait été un combat sûrement debout. Et War Machine, lui, était un peu plus diversifié, si on veut. Est-ce que tu as eu assez de temps pour changer d'adversaire? C'est ça. Comme tu dis, il n'y a pas de... La victoire est sans contredit. Là, il a gagné, puis il n'y a pas de... Il n'y a pas de malentendu là-dessus. Mais il y a plusieurs choses qui entrent en compte, évidemment, dans tout ça. Bon, ben oui, il y a du poids. Oui, il y a le changement d'adversaire. 2 semaines de préavis, changement d'adversaire. Bon, on a tous des changements dans nos vies personnelles aussi, hein, des choses qui arrivent. Et puis, ben aussi, la qualité qu'est le sport du MMA, ben les arts martiaux mixtes, ben c'est ça. Il arrive ce qui arrive. Et puis, est-ce que c'est un manque de préparation? Je pense que si tu es un combattant complet, tu t'entraînes toujours pour être complet. Tu devrais pas avoir de surprise, mais c'est évident que dans un camp d'entraînement, comme exemple, comme l'on parle de Phil Baroni, ben j'avais quand même axé mon camp d'entraînement sur certains aspects plus spécifiques aussi. Donc j'avais axé sur certains aspects spécifiques. Alors que War Machine, ben ça aurait peut-être été différent. Mais bon. Pas d'excuses, ça fait partie du sport, et puis advienne que pourra... On va souhaiter que tu auras ta chance face à Baroni dans l'UFC. Non, ouais, parce ça risque pas, parce que Guillaume, tu t'es rendu à 155 livres. Je sais que ton premier combat, ça a été difficile. Ben, on m'a dit que ça a été difficile, tu confirmeras peut-être la coupure, mais après ça, t'as suivi avec t'as 2 victoires à 155 livres. Est-ce que tu envisages de rester à 155 ou c'est trop difficile, puis éventuellement tu pourrais remonter à 170? C'est drôle que vous me parlez de ça toutes les deux parce que Justement, oui, ben, juste pour ouvrir la parenthèse sur ce que tu me disais, oui, mon premier combat 155 livres, ça a été difficile parce que c'était la première fois que je devais déshydrater, là, couper d'une vingtaine de livres. Donc, puis j'avais pas les éléments adéquats puis les informations adéquates pour bien faire cette coupe de poids-là, donc ça a été difficile. Au moins moralement, j'ai été plus tough. Mais c'est le moral surtout à savoir est-ce que ça me tente de me rebattre à 155. Je sais que j'ai ben, on a toujours le choix, mais je sais que j'ai comme pas le choix de me battre à 155 parce que ma corpulence, ma composition physique fait que bon ben j'ai la portée d'un 155 livres. Ma grandeur, ben, c'est 155 livres. Puis au poids que j'ai, ben à 155 livres, au poids dans la vie de tous les jours, c'est la meilleure chose pour moi. Puis si on regarde dans le plus haut classé, tantôt tu parlais sur Baroni, tu parlais de la Ligue du UFC, ben UFC, si on parle de 155 livres, on parle de très bon calibre aussi. Puis est-ce que je peux me déclasser dans les 170 livres aussi facilement que dans les 155 livres? Ben là c'est là que la question est. Donc moi personnellement, 155 livres, ça va être comme ça tant que je suis capable d'endurer mon poids à 175 livres, 170 livres dans la vie de tous les jours. Là. Et combien, tu pèses 170 environ, tu dis, en ce moment? En ce moment, 175, ouais, à peu près. Là, je me tiens autour de ça. Et ça veut dire que tu perds environ une quinzaine de livres pour... Vous faites ça sur combien de jours quand tu te mets à déshydrater pour la peser? Ben là, c'est ça. Avant, je le faisais vraiment pas bien. Là, je perdais mon 15 à 20 livres les 48 heures avant la pesée. Puis, ben, en fait, presque 24 heures avant. La journée même avant, je faisais je déshydratais dans le sauna de 15 à 17 livres. Vraiment pas la bonne chose à faire. La meilleure chose à faire, de ce que je vais essayer pour mon prochain combat, c'est au moins de préparer là, sur deux semaines à l'avance, changer l'alimentation. Et pour en arriver là, à la journée avant la pesée, là, de déshydrater de seulement 5, 6, 7 livres là, dans le sauna là, pour que ce soit suffisant, là, pour que j'arrive à dormir la nuit, puis avoir tout le repos pour la récupération adéquate là, après. Là. Ben, ton dernier combat, en fait, c'était face à un Français, puis on a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent qui proviennent de la France, du nom de Sébastien Gargui, qui s'entraîne maintenant à Las Vegas. Tu l'as quand même bien dominé tout le long, mais il a démontré beaucoup de cœur, hein, je pense, Guillaume. Ouais. Ben, en fait, sérieusement, j'ai vraiment été surpris. Mes deux derniers adversaires, là, je les ai pas ménagés, là. Ground and pound solide, là. Puis, si ça n'avait pas été de l'arrêt de l'arbitre, là, c'est évident que bon, faut prendre en considération aussi que les arbitres sont là pour la sécurité des combattants dans le sport. Donc, à un moment donné, quand on voit la supériorité d'un adversaire face à un autre, ben, si l'arbitre juge que c'est suffisant pour démontrer qu'il y a un gagnant, ben, à ce moment-là, l'arbitre arrête. C'est ce qui est arrivé. Mais c'est certain que, comme tu dis, on a vu des adversaires qui avaient du cœur. Ben oui, Sébastien Gargui avait du cœur parce que je sais très bien que il aurait pu continuer à m'encaisser en masse, puis il aurait pu continuer là, jusqu'au troisième round là, facilement. Là. Oh oui, ben peut-être pas facilement, là, parce que je revois la machine. Mais disons que non, c'est. Il y a du cœur. J'y ai dit aussi après le combat, j'ai dit garde, je sais que tu aurais été capable de continuer puis d'en prendre encore puis de faire des échanges. Mais c'est un arrêt de l'arbitre et puis ça a été une victoire comme ça. Là. Parle-nous un peu de ton style, Guillaume, puis à qui tu comparais peut-être au UFC. Moi, je te comparais peut-être à un Diego Sanchez, un ground and pound dévastateur, debout, bon, peut-être pas un artiste, mais quand même, tu te débrouilles, puis tu as une jambe arrière très lourde. Toi, comment tu te vois? En toute honnêteté, je me vois pas comme un... Je me compare pas à personne ou à certains... J'essaie d'être mon propre style, mais en fait, je pense que le meilleur style pour les arts martiaux mixtes, c'est d'être le plus complet possible. Donc, comme ce que j'ai toujours travaillé, puisque je vais continuer à travailler avec Kim Zahavi à Montréal, c'est que je vais travailler sur des choses à améliorer, puis mes forces, je vais continuer à les travailler encore. Oui, je travaille au nordique Fight Club, on avait à Québec, on avait beaucoup, on mettait beaucoup l'accent sur le ground and pound, sur mettre beaucoup de pression sur les adversaires. On était des bons lutteurs. Et puis, ben, je vais continuer à travailler là-dessus, ça c'est sûr et certain. Je trouve ça flatteur que tu me compares à des noms quand même de personnes comme ça du UFC, Diego Sanchez et ainsi de suite. Je trouve ça flatteur, merci beaucoup. Mais j'espère bien à un moment donné avoir ma place, puis justement que d'autres personnes disent à un moment donné à des jeunes, ah, je trouve que c'est un style comme un peu de Lorenzi, là, ça va être encore plus flatteur. Guillaume, tu parles d'avoir du cœur et t'es un jeune combattant, tout. Moi, je pense que la majorité des combattants ont du cœur, oui, pour rentrer dans la cage, mais aussi du cœur à l'ouvrage, parce que justement, tu parles que tu travailles et tu t'entraînes. Parle-nous un peu, toi, ton plan parfait, ça serait quoi d'ici combien d'années tu serais un combattant à temps plein, si on veut? D'ici combien de temps? Ben, ouais, parler du cœur à l'ouvrage, j'avais fait ça, j'avais arrêté de travailler complètement. De 2008 à 2009, ma première année de combat professionnel, j'ai arrêté de travailler complètement. J'ai vécu sur mes économies. Je voulais mettre à temps plein là-dedans. Et puis vraiment arriver à percer, je m'étais dit qu'en un an, j'étais capable de performer suffisamment, de me rendre à un niveau professionnel suffisant pour pouvoir vivre avec des commanditaires et puis des combats. Malheureusement, c'est pas ce qui s'est passé dans la vie de tous les jours. Et puis la vie est parsemée d'embûches, donc il arrive des petites choses, ce qui fait qu'on doit retourner en arrière, puis recommencer, puis rebâtir nos bases et puis nos murs. Donc c'est ce que j'ai fait. Je suis retourné à l'emploi. C'est sûr que c'est quelque chose que je veux arrêter de travailler à un moment donné pour me mettre à temps plein là-dedans. Mais tout est une question, dans le fond, de visibilité. Est-ce que le combattant est en demande? Est-ce qu'il fait des bons spectacles? Est-ce qu'il y a des bonnes victoires contre des bons adversaires? Et puis à ce moment-là, ben, quand l'offre et la demande est partie, ben à ce moment-là, je pense que c'est plus facile. Mais ça, c'est pas dans mon ressort. Ça, c'est le ressort du manager qui s'occupe de tout ça. Qu'est-ce qui s'en vient à court terme pour toi? Est-ce que tu as un combat de prévu bientôt? Oui, j'ai un combat de prévu bientôt pour le 30 janvier. Ben, bientôt. Moi, je dis bientôt parce que mon camp d'entraînement est entamé en ce moment. Donc, je commence déjà. Okay. Et 8 semaines avant un combat, là, je commence un camp d'entraînement. Et puis, je vais me battre pour Ringside le 30 janvier. D'accord. Je vais affronter un gars du UK, de United Kingdom, c'est Tim Radcliffe. D'accord. Est-ce que tu le connais un peu? Qu'est-ce que tu connais de lui? Ce que je connais de lui, je pense, c'est ce que tout le monde connaît. Sur Internet, dans le fond, c'est des recherches que j'ai faites sur YouTube. J'ai vu quelques combats. C'est un gaucher, ma grandeur à peu près. Évidemment, 155 livres. Donc, il y a à peu près mon poids dans la vie de tous les jours. Hein, c'est un bon 170, 175 livres. Et puis, c'est un spécialiste en Muay Thai et un ceinture brune en Jiu-Jitsu brésilien. Donc, ça risque d'être un bon défi pour moi. Ça risque d'être un bon combat. C'est ce que les gens autour de moi me disent aussi, que ça va être un très bon affrontement. Puis, ça risque d'être bon pour ma carrière. Puis, surtout, quand je dis bon pour ma carrière, c'est un bon combat, peu importe victoire ou défaite, ça arrive d'être un bon combat, puis beaucoup d'expérience pour moi. Donc, je suis très content, puis j'ai vraiment hâte là, d'affronter cet adversaire-là. Est-ce qu'au Tristar... Vas-y, Guillaume, je m'excuse, je t'ai coupé. Ouais, excuse-moi, ben, ça a été... Non, ben, c'est moi qui ai embarqué, là. Mais ça a été difficile là, pour Ringside là, de me trouver un adversaire là, avec les bourses, puis d'accepter tout ça. Là. Il y a plusieurs adversaires qui sont passés. Puis là, je suis vraiment content là, d'avoir un adversaire fixe, puis de savoir où je m'en vais, là, qui j'affronte. Puis je suis content. C'est plus facile dans ce temps-là, je pense. Moi, personnellement, en tout cas, je sais pas les autres combattants, là, mais je trouve ça plus facile. C'est plus facile d'avancer quand tu as un objectif. Je veux dire, c'est comme dans tous les jobs. T'sais, vous autres aussi, vous savez que vous allez faire une entrevue avec moi, bien, au moins, vous savez où vous en allez un petit peu, tu sais. Oui, c'est sûr. Vous apprenez à me connaître, puis ben on sait où est-ce qu'on s'en va. Je trouve ça plus facile comme ça. Ben, Patrick Côté nous disait exactement la même chose lorsqu'on lui a parlé d'avoir vraiment un objectif, puis savoir un peu qui t'affronte, ben ça t'aide à te motiver. Puis là, ouais. Tu connais ton adversaire, est-ce que tu sais un peu comment va être ta préparation, puis est-ce que dans ton entourage, tu as des partenaires d'entraînement dont le style pourrait ressembler à ce Ratcliffe-là? J'ai été très chanceux. La semaine passée, d'avant, je suis allé à Boston. Je suis allé m'entraîner avec Kenny Florian et puis son frère à leur gym. Et puis, Kenny Florian qui va affronter au prochain UFC Clay Guida. Oui, oui. Donc, je me suis entraîné avec lui qui est gaucher. Et puis, je compte bien redescendre à Boston et puis m'entraîner avec lui. Et puis, lui, il vient à Montréal au Tristar de temps en temps aussi. Donc, je compte bien faire beaucoup de sparring avec lui. Et puis, au Tristar, comme il y a un bon réseau de professionnels, il y a des gauchers là-dedans. Et puis, j'ai un gars que j'ai appris à connaître depuis que je suis là, Mike Ritchie, un gaucher aussi, super sympathique. Ça risque d'être un bon ami éventuellement à moi. Là, je l'adore beaucoup. Et puis, c'est ça, je lui parlais de ça la semaine passée, jeudi. Je lui disais justement qu'on allait être sparring partner, que j'allais avoir besoin de lui puis de ses talents. Donc, ça risque d'être eux autres pas mal mes partenaires d'entraînement là, pour ce combat-là, là, surtout là, pour me préparer pour les gauchers. Hein. Mais parle-nous un peu de ces gars-là. Est-ce que, lorsque tu vois Kenny Florian, puis bon Mike Ritchie qui est également un avec toi dans les 155 livres, un très grand prospect pour le Québec actuellement, qu'est-ce qui t'impressionne le plus de tous les combattants que tu as pu voir jusqu'à maintenant au Tristar? Non pas qu'au Nordic Fight Club quand même, il y avait des excellents combattants, ben, dont toi, puis tu avais des coachs quand même respectables également, mais le Tristar, quand même, on monte quelques coches, ça c'est certain. C'est sûr que ça change beaucoup la dynamique. Comme tu dis, oui, mes coachs, c'est des très bons coachs. J'adorais m'entraîner avec eux autres. Les derniers temps, mes coachs étaient un petit peu moins disponibles parce que, j'en ai deux qui ont été blessés. Et puis, c'est sûr que la dynamique au niveau de l'entraînement est différente parce que au Nordic Fight Club, c'était des amateurs, des bons amateurs. Mais c'est pas le même calibre. C'est une game différente là, quand j'ai embarqué en sparring avec les autres professionnels. Mais justement, pour répondre à ta question, ce qui m'a l'impression que j'ai eue quand je suis arrivé avec eux autres en sparring, c'est sûr et certain que tout ce qu'on parle de rapidité, tout ce qu'on parle de technique, tout ce qui est technicalité, tout ce qui est rapidité, finesse dans le sport, on voit la différence. On voit le travail que ces gars-là font. Et puis on voit là, que c'est du c'est du réchauffé là, on s'entraîne, on refait les techniques, puis c'est de la pratique là, non-stop là, tout le temps. Et puis on voit que c'est rendu des réflexes, les gars ont plus besoin de penser, ça part, les techniques sont là, les coups sont bien lancés, tout est réfléchi, les coups à l'avance sont réfléchis. Donc c'est toute nouvelle dynamique avec laquelle là, je dois m'habituer, puis que je m'habitue tranquillement pas vite, puis que j'espère bien faire transparaître dans mes prochains combats. Là. Guillaume, je sais pas si tu as le temps d'être un amateur entre l'entraînement et le travail, mais je sais pas si tu as des opinions sur les gros combats qui s'en viennent à l'UFC 107, le combat de Frank Mir et Chuck Kongo, et celui de BJ Penn et Diego Sanchez. J'ai hâte de voir ça. Je fais pas de prédiction parce que, comme tu dis, j'ai de la difficulté pas mal à mixer amateur et ma vie à l'entraînement puis ma vie professionnelle. Mais j'adore regarder les combats. Malheureusement, je peux pas les voir live parce que je travaille en même temps. Mais sinon, je les regarde en rediffusion, même si je connais les résultats parce que mes chums me les ont tout dit. Là. Mais j'ai hâte de voir ça. Puis sérieusement, là, je ferai pas de prédiction, là, mais Chuck Kongo, je l'ai suivi longtemps, puis j'adore le voir, là, ce gars-là. En fait, tous les hauts niveaux, là, les hauts calibres du UFC, là, quand on parle de combat entre eux autres puis les championnats en titre, c'est sûr qu'on faut s'attendre à des bons combats. Là. Guillaume de Laurenti, on te remercie pour le temps que tu nous as accordé. C'était super sympathique. Puis on suit les activités, ton prochain combat pour le ringside. Est-ce que la MFL, je pense qu'ils devraient faire leur deuxième événement quelque part au mois de mars, il me semble. Est-ce que tu as peut-être encore l'occasion de faire un autre événement au mois de mars, ou ça, c'est un peu trop loin? On verra bien. Moi, en fait, je prends ce qui passe. Tout ce qui peut me faire avancer, je vais le prendre, c'est sûr et certain. Puis, que ce soit les organisations, en fait, je veux pas être trop radin non plus, mais ce qui joue beaucoup dans la balance, c'est les bourses. En fait, c'est ce qui fait la... C'est ce qui fait pour quelle organisation je vais aller me battre. Donc, évidemment, la personne, l'organisation qui est la plus, qui donne la meilleure bourse, ben, je risque fort d'aller pour cette organisation-là. Comme je disais tantôt, ben, c'est mon objectif, hein, de vivre ce sport-là, puis pouvoir me permettre de me mettre à temps plein, là, juste dans l'entraînement. Yeah. Est-ce que Kajan Johnson, ça peut être une éventualité? Est-ce qu'on t'a déjà parlé d'un possible affrontement avec lui ou On m'a jamais parlé de ça, mais c'est certain que c'est quelque chose d'intéressant parce que ce petit gars-là a avancé beaucoup, puis je l'ai vu évoluer quand j'étais à 170 livres pour XMMA. Ben il a combattu souvent pour XMMA et puis deux fois pour la ceinture. Donc, vraiment surprenant. Puis, est-ce que ça va donner un jour? Peut-être que ça va donner. J'imagine que s'il continue à avancer comme il avance, ben on va sûrement se recroiser à un moment donné. C'est pas mal certain. Il y a des chances. Le monde, normalement, il est quand même petit au Canada. Donc, il y a des fortes chances. Guillaume, combien de fois tu voudrais combattre en 2010, si je peux te demander une dernière question? Ben, ma première année que j'ai combattu, j'ai fait 6 combats la première année. Donc, à l'intérieur de 12 mois, là, 13 mois, j'ai fait 6 combats. Puis, j'avais trouvé ça quand même beaucoup. Par la suite, bon, j'ai été arrêté longtemps, mais je pense que entre 4 et 5 combats, là, ça risque d'être bon, là. Ben, on va suivre ça, puis on te souhaite du bonheur un peu à Montréal, mais je pense que la petite dose de Québec à fin de semaine, ça va te faire un grand bien. C'est tellement une belle ville. As-tu eu la chance de venir voir, là, étant donné qu'il y a la fin de semaine à Québec, j'imagine que tu travaillais, t'as pas pu voir Lucian Bouté à l'œuvre dans le désuet, mais quand même le Colisée Pepsi? Ben non, pas du tout. Mais je l'ai pas vu. Par contre, j'ai un de mes amis qui me textait à toutes les rondes, qui me décrivait les rondes, donc je pouvais suivre ce qui se passait. Et puis j'étais tellement content parce que sérieusement, ça avait fini beaucoup en queue de poisson, là, son dernier affrontement là, contre Andrade. Là, ben, écoute, c'est sans contredit une victoire pour lui. Puis là, il s'en tire avec la ceinture. Là, puis il mérite tout ça. Puis il doit être fier de lui, là. Puis sérieusement, là, je suis vraiment content. Puis de la façon dont ça s'est déroulé aussi. Oui, non, ça a été... Québec, je pense, s'est mis en valeur. Puis peut-être que d'ici 3-4 ans, avec un nouvel amphithéâtre, on pourra voir Guillaume de Lorenzi dans un combat au UFC dans un amphithéâtre à Québec. Ben, c'est ça qu'on se dit, hein. Tout le temps, on voyait la foule. J'ai un médecin de gars, justement, qui était là-bas. Il me disait, hey, c'est incroyable. Ça doit être incroyable de se battre avec autant de plaide qui est là pour nous regarder, puis regarder ce qu'on fait. C'est fou, mais c'est ça pareil, puis c'est une des gâteries qu'on a, justement, à se battre comme ça pour le monde qui vient nous voir. Oui, merci beaucoup. Ça, dans un combat, tu le sens, hein, Guillaume, parce que tu nous parles, puis t'es super calme, là, puis tu vois, on te voit, on t'entend, puis t'es réfléchi, puis t'es vraiment intéressant à entendre parler, mais dans un combat, dans ceux que j'ai vus, je les ai pas toutes vues, mais tu sembles un gars émotif après les combats, lorsqu'on t'entend parler, puis même pendant le combat, on te sent impulsif, puis... vraiment un tout autre homme. Est-ce que vraiment l'ambiance là dans un amphithéâtre lorsque tu combats, ça a une incidence sur ta performance, puis sur ce que tu peux faire, puis sur ce que tu veux en donner au public? Ah, tout à fait. C'est mon petit bonbon. C'est mon petit bonbon. Quand j'arrive, ben c'est l'accomplissement de deux mois d'entraînement. Puis là, on te permet de dire go, montre-nous ce que tu sais faire. Puis il y a des gens qui sont là, qui t'applaudissent, qui t'encouragent, qui disent « Ouais, Guillaume, puis ils sont là pour toi. » Puis même ceux qui te connaissent pas sont là pour voir le combat. Puis après ça, si tu fournis une performance assez suffisante pour qu'ils se rappellent de toi, ben à ce moment-là, t'as récupéré d'autres personnes qui vont venir te voir encore ou bien qui vont être intéressées à toi ou juste intéressées au sport. Parce que le sport est très intéressant. Puis je pense que c'est une des caractéristiques que tous les combattants ont aussi. C'est ben, les combattants professionnels, ceux qui veulent avancer, ceux qui ont cette petite flamme-là, ben c'est justement pour l'amour du sport. Donc à ce moment-là, quand on voit des gens qui sont là, ben c'est notre bonbon, c'est notre petit grise. Un gros merci, Guillaume. Puis ça revient souvent à ce que tu viens de dire avec toutes les entrevues qu'on a eues. Merci beaucoup de partager tout ça. C'est très intéressant. Ben, ça me fait plaisir. Le prochain coup, j'essaierai de dire d'autres choses qui sont différentes que ce que le monde dit. Salut, Guillaume. Bye, merci. Salut, bye-bye.